d'asile d'aliénés. On est réceptacle de magie noire. Conscience réméditée. Mais pas seulement. Les médecins favorisent la magie. Alors thérapeutique, irracible et stupide. Ils vont au fond. Il n'y avait pas plus de médecins. Il n'y aurait jamais eu de malades. Car c'est par les médecins, et non par les malades, la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Il faut aussi la mort. Il n'y a rien comme un asile d'aliénés pour trouver doucement la mort. Je ne vis pas au milieu d'un concile de têtes, je ne pète pas dans un cénacle d'esprit. Tous autour de moi, aux écoutes, tous aux écoutes dans mon moi, et Dieu est-ce de ces esprits-là. Chaque esprit a sa tablature, son arc, son rayon, ses éclipses, l'éclipse de ses apparitions. Dieu le mène, et ça va très mal. Mal depuis ce péché d'origine que Dieu fit en entrant dans l'être, en copulant avec sa création, et ainsi le cénacle. Réceptacle de magie noire, conscient et prémédité.